je veux passer toute la nuit avec toi. Dans mon lit, seul, oh oui. Moi je veux passer toute la nuit avec toi. Dans mon lit, seul, oh oui. Moi je veux passer toute la nuit avec toi. Dans mon lit, seul, oh oui. Moi je veux passer toute la nuit avec toi. Dans mon lit, seul, oh oui. Je te vois de ma fenêtre, le temps est pluvieux. Tu cherches un abri, ma chérie, follow me. Rentre dans mon chez-moi, je vais chercher le sèche-cheveux. Une serviette, je te fais un café bien chaud si tu veux. Installe-toi, no stress, fais-toi plaisir, prends une chaise. J'ai la télé, l'ordi, là oui, en attendant l'averse. Ton dernier bus malheureusement part dans 5 minutes et demie. Si tu veux, tu peux dormir chez moi, y'a pas de soucis. Par contre, j'ai qu'un lit. Tu dormiras par terre, à moins que tu veux dormir avec moi si tu préfères. Tu veux? Tant mieux. T'inquiète, y'aura rien. C'est mieux pour toi, tu te sentiras si bien. Moi je passais toute la nuit avec toi. Dans mon lit, seul, oh oui. Moi je passais toute la nuit avec toi. Dans mon lit, seul, oh oui. Moi je passais toute la nuit avec toi. Dans mon lit, seul, oh oui. Moi je passais toute la nuit avec toi. Dans mon lit, seul, oh oui. Il est 23h et sache que je me couche à minuit. Toi aussi? Ah oui? Si, si, easy. Merde, pas d'électricité. En profiter pour la... J'ai hésité. Les lumières se rallument, je la voyais paniquer. À cause des orages qui arrivaient par milliers. Je faisais tout pour assurer, la rassurer. T'inquiète, l'orage n'a rien envers la race humaine. Elle a ri, puis j'ai ri, elle m'a pris dans ses bras. J'ai souri, je lui ai dit, ma chérie, tu fais quoi? Elle m'a dit, je te remercie, t'es gentil, t'es sympa. J'ai envie de dormir avec toi dans tes bras. Moi je passais toute la nuit avec toi. Dans mon lit, seul, oh oui. Moi je passais toute la nuit avec toi. Dans mon lit, seul, oh oui. Moi je passais toute la nuit avec toi. Dans mon lit, seul, oh oui. Moi je passais toute la nuit avec toi. Dans mon lit, seul, oh oui. Je suis enfin dans le même lit que toi. Mes bras ne touchent plus que toi. On se fait du bien, on se chatouille. Des trucs de bébé, mais franchement c'est cool. Je suis si bien avec toi, si bien avec toi. Ah, je suis si bien avec toi, si bien avec toi. Ah, moi je passais toute la nuit avec toi. Dans mon lit, seul, oh oui. Moi je passais toute la nuit avec toi. Je veux passer toute la nuit avec toi. Dans mon lit, seul, oh oui. Moi je veux passer toute la nuit avec toi. Dans mon lit, seul, oh oui. Dallas Peace.